ça c'est parole céleste. Pour tout haïtien qui est handicapé, spécialement Mounsaï qui est victime le 12 janvier 2010. T'es gagné de main, de pied, avenir t'es menacé. Dans yon pays que m'te rêvé pour m'te contribuer. 4h53, 12 janvier, tout a été tremblé. 35 secondes seulement gardé, moi ouais m'anticapé. Moi pas gagné de même encore. De pied m'encore, pas qu'à marcher encore. Oh mon Dieu, c'est où même seul qui tout espoir. Oh mon Dieu, c'est où même seul qui tout espoir. Oh mon Dieu, c'est où seul qui pas jamais peine sans secours. Comme force pour me résister. Oh mon Dieu, c'est pour ça. Qui connaît qui jamais pourra le faire. Oh mon Dieu. Mais la vie m'en a mis.